Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 54 du mag, un mag dans lequel on va revenir sur la récente actualité des comics en VO et surtout en VF pour cette semaine, les séries télé, le ciné, à travers des news en bref, mais également à travers, maintenant vous avez l'habitude, des questions et des petits quiz que j'ai concoctés pour les membres de l'équipe qui seront présents cette semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 40, le 42, non, le 54e numéro de Sur nos écrans, de le mag. Alors voilà, c'était l'introduction la plus pumped up et la plus what the fuck de toute l'histoire du mag, mais je la laisserai telle quelle. Et avec moi, cette semaine, Arnaud. Salut. Tu veux être là tous les mags pour marquer tous les points de l'année. Et Léo. C'est ça. Salut. Allez, on commence avec les séries télé, Arnaud, deux news en bref. Ouais, une nouvelle adaptation qui va potentiellement arriver sur nos écrans. C'est l'adaptation de Trees, le comics d'Image Comics de Warren Ellis et Jason Howard, hein, dont les droits télé viennent d'être achetés par NBC Universal pour une adaptation en coproduction avec Hardison & Baker, le studio de Tom Hardy. Mm-hmm. Voilà, on sait rien de plus à part qu'ils ont acheté les droits. Okay. C'est déjà plusieurs projets qu'NBC Universal achète les droits. Ouais, c'est des trucs indés, assez intéressants. C'est même Descender, je crois que c'est eux aussi, ouais, c'est ça. D'autres encore. Excellent, excellentissime en comics, donc bah, on verra, mais bon. Vous du mal à voir ça à l'écran. Mais... Si vous écoutez le bilan du mois de septembre du côté de nos écrans jeudi, vous avez un peu de mal avec les séries télé. Donc... Voilà, on verra. Allez, et deuxième news. Celle-là, c'est un peu de la news what the fuck. C'est au mois d'août, Amazon avait dévoilé une nouvelle série de pilotes. Parce que le concept d'Amazon, c'est de dévoiler des pilotes. Les gens regardent gratuitement et ensuite ils votent. Et celles qui ont les meilleures notes sont commandées en série par Amazon. Et on en parle parce que dans les trois série proposée par Amazon en août, il y avait The Tick qui est le remake en live de comics des années 80 et d'une série d'animés comique hein, qui en fait voit un super-héros qui s'appelle donc le Tick hein, qui est habillé tout en bleu et il est aidé d'un super-héros déguisé en mythe hein, mais que tout le monde prend pour un lapin et donc dans cette comédie ils essayent de bien sûr, d'aider la veuve, l'orphelin et les opprimés. Mais bon, ils sont pas très doués, quoi. Et donc, on en parle parce que Amazon a commandé officiellement une saison complète pour The Tick. Donc, vu le système, l'année prochaine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont donné suffisamment de bonnes notes à ce pilote pour qu'il devienne une série. C'est quand même incroyable. Oui. Après, ils ont sorti trois pilotes, ils ont commandé les trois. Ah bon, bah voilà. Ils sont pas fait chier. Oui. Ils Allez. Se diversifient un petit peu. C'est ça. Deux petites questions pour vous concernant les séries de télé. Et oui, parce que maintenant, vous ne savez pas combien de questions je vous prépare avant l'émission. Donc, il y en a deux concernant les séries de télé. La première, quel élément de l'univers DC a été introduit dans le Arrowverse cette semaine? Alors là. Yo. Oui. Ouais, non, mais je tente au pif. La JSA? Non, elle a déjà été introduite. À la fin, à la fin du final de Legends of Tomorrow. Mais il y a une chose qui a été introduite cette semaine. Alors, je vais vous aider parce que les séries n'ont pas reprise. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse introduire un élément dans le crossover? C'est dans un trailer. Il y a un élément de l'univers DC qui a été introduit. À travers une petite phrase que l'on entend. C'est à la fin du trailer de Supergirl. La fin du... D'accord. Faut qu'on cherche le trailer et qu'on le regarde. Non, pas du tout. Ce n'est pas un personnage. Ne cherchez pas du côté des personnages, c'est pas un personnage. Un élément du DC Universe intégré dans Arrow, ok. Quelque chose de très important dans l'univers DC, qui est connu de tout le monde dans cet univers-là, mais on n'avait pas encore entendu ce nom-là dans toutes les séries Arrow, The Flash, Legends, et même dans Supergirl d'ailleurs. Quand c'est une ville, hein. C'est une ville. Mais il n'y a pas 50 000 qui n'ont pas été citées et qui sont hyper importantes. Gotham City. Gotham City. Oui. C'est vrai? Mais oui, le nom de Gotham City a été entendu à la fin du trailer de Supergirl. Ah ouais, comme ça. Voilà. On espère que D'accord. ce n'est pas celui de la Fox. Deuxième question, pourquoi parle-t-on beaucoup, mais alors beaucoup, du Ranger vert en ce moment? Léo. Oui, oh, Léo, il était plus rapide que son... Parce qu'il va, risque, enfin, il est probablement celui qui va interpréter Bloodshot. Alors oui, l'acteur John David Frank, c'est officiel, hein, c'est très très officiel, c'est l'acteur qui interprétera Bloodshot pour l'univers Valiant et l'adaptation live de tout cet univers-là qui va démarrer plus vite qu'on le pense, puisqu'on sait qu'il va y avoir un film Harbinger, puis un film Bloodshot, Harbinger en 2017, Bloodshot en 2018. Mais l'acteur Jason David Frank incarnera déjà Bloodshot dans la web série Ninjak qui se prépare, là, qui devrait arriver plus vite qu'on le pense, à mon avis. Tout ça va être présenté à New York, la New York Comic Con ce week-end. On saura beaucoup plus, on aura des infos, des images, des dates de sortie sans doute, etc. Mais voilà, il va être dans la mini-série, dans la web-série Ninjak. Alors juste pour vous quand même vous faire le casting de cette web-série, Kevin Porter, qu'on a pu voir dans Dodgeball, Sierra Foster, qu'on a pu voir dans Straight Outta Compton, Michael Rowe, l'ancien Deadshot de Arrow et de The Flash, qui jouera Ninjak. Donc Jason David Frank, John Morrison qu'on a pu voir dans Luca Underground, voilà. Et Derek Taylor et Chantel Berry, Chantel Barry plutôt, qu'on a pu voir dans Entourage. Okay. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, quelque chose, mais voilà, il y a quand même des noms connus quoi. Après on verra. Ouais, enfin, de seconde zone. Hein. Oui voilà. Ouais, c'est un peu ça. Mais à voir, parce qu'en tout cas l'équipe qui va être derrière cette web série, moi ça m'intéresse bien. Et justement, on va profiter de cette équipe-là pour faire le versus de cette semaine. Bat in the Sun, qui est donc une boîte de production, plus ou moins, hein, puisqu'ils mettent en ligne pas mal de vidéos qu'ils produisent eux-mêmes sur YouTube, notamment une émission où il y a un show qui s'appelle le Super Power Beatdown, qui voit deux personnages s'affronter. Donc on a l'affrontement, qui est précédé d'une petite présentation des personnages et puis d'un sondage comme ça parmi les gens du public, souvent en convention, lequel remporterait le combat entre les deux personnages. Et puis après, on a le combat en vrai avec deux personnages en cosplay plutôt à chaque fois bien réussi et le combat entre les deux et le dernier en date c'était Nightwing contre le Winter Soldier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous l'ai postée, je voulais partager dans la semaine. Voilà, quand on voit ça et que c'est fait avec $4 de moyens, je caricature, mais voilà, que c'est fait avec 3 bouts de ficelle et un cosplay, on se dit qu'avec les moyens de Valiant, ils peuvent faire un truc sympa. C'est clair. Mais alors, maintenant, nous, on va prendre position. Hein. Le dernier combat, c'était Nightwing versus Winter Soldier. Si les deux devaient s'affronter, lequel l'emporterait ? Nightwing, sans hésiter. Nightwing, totalement. Ah, merde, parce que moi, c'est Nightwing aussi. On se retrouve en même temps. Déjà, Nightwing. On peut pas battre Nightwing. Enfin, Nightwing, déjà, non seulement il sait se battre, comme Winter Soldier, mais le plus, c'est que quand même, il est plus que juste une grosse brute qui sait se battre. Il est agile, il est acrobatique, il peut faire plein. Enfin, il a une supériorité en ce sens-là qu'il peut faire, qu'il peut faire passer le combat d'un côté ou de l'autre. C'est un ancien Robin, il a la classe, il a servi auprès de Batman. Le costume est plutôt cool. Ouais. J'adore. Il a cette capacité acrobatique qui est vraiment bien. Il a tout un background, il a toute une épaisseur. Il est scientifique. Il y a une épaisseur qui fait qu'on a fait des comics sur lui parce que le personnage est super intéressant depuis qu'il s'est indépendantisé de Batman, ce qui fait qu'il a une double histoire et donc les chemins de la connaissance chez Nightwing sont extrêmement prenants. Le Winter Soldier a quelque chose, c'est sûr, c'est quand même un Captain America puisqu'il succède à Steve Rogers un temps. Il a cette amitié avec le Cap, qui est bien. Mais il est assez instable. Ah, il n'a pas le relief de Nightwing quoi, derrière. Quoi. Et puis surtout entre Batman et Captain America, voilà, la profondeur des personnages n'est pas. Voilà. Enfin, Nightwing, tu sens qu'il a tellement pris de cette expérience avec Batman, alors que Soldier par rapport à Captain America, pas ce même rapport. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses qui font que Nightwing, voilà quoi, il est vraiment trop cool. Ouais, bah oui, de toute façon, Nightwing. En plus, il a été Batman aussi. Hein. C'est quand même important de digresser. On a été Batman. Donc, oui, bah oui, évidemment. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Bat in the Sun pour voir qui l'emporte dans leur version du combat. Peut-être Nightwing, peut-être Winter Soldier. Donc, allez voir la vidéo. C'est la chaîne s'appelle Bat in the Sun. C'est plutôt cool. Ça dure une dizaine de minutes. Vous pouvez passer tous les blablas et les sondages parmi le public présent à San Diego Comic Con et voir directement le combat. C'est les 3 ou 4 dernières minutes. Il envoie quand même du pâté ce combat et voilà, vous aurez le vrai résultat. En tout cas pour nous, à l'unanimité, c'est Nightwing. On va passer au comics VF. Alors en bref, beaucoup de choses se sont passées dans les annonces ces dernières semaines, notamment Panini qui a annoncé du mouvement du côté de ses kiosques. Deux magazines vont s'arrêter. Le magazine All New Wolverine and X-Men s'arrête en décembre. Il aura le dernier numéro en décembre. Les séries qui sont dans ce magazine-là rejoindront le magazine X-Men, magazine audio X-Men, qui du coup va grossir et passer à 128 pages. Mais vous en faites pas, le prix augmente avec. Donc à partir de janvier, vous aurez un nouveau All New X-Men, plus gros, 128 pages, mais plus cher. Ça restera bien moins cher que la VO, on est d'accord. Il y aura 6 séries dans le magazine, ça sera, voilà, ça vaudra le coup, ce sera le même prix qu'un Mag Urban a priori. Voilà, très bien. Autre magazine qui s'arrête, All New Inhuman. Le magazine Inhuman s'arrête, puisque Carnac s'arrête. La série All New Inhuman s'arrête aussi en VO. Donc il y aura plus assez de séries pour tenir ce magazine. Donc la série qui reste survivante, Uncanny Inhuman, va passer dans un autre mode de diffusion de publication dont on n'a pas encore connaissance. Sans doute des hors-séries pour avoir des kiosques avec des sagas complètes. Et troisième revue qui va être modifiée, c'est All New Iron Man and Avengers qui va accueillir dès janvier une cinquième série. Panini n'a pas révélé. Voilà. Et puis la revue passera elle aussi au format 128 pages. Les deux tournées qui ont été annoncées, la première par Urban Comics, Brian K. Vaughan et Fiona Staples et Cliff Chang, donc c'est-à-dire les équipes créatives de Saga et de Paper Girls, les deux gros cartons du mois d'octobre en librairie du côté de chez Urban, à n'en pas douter, vont être en tournée en France pendant 4 jours. Du mardi au jeudi qui précède la Comic-Con Paris, donc c'est-à-dire du mardi 18 au vendredi, pas au jeudi, au vendredi 21 octobre. Ils vont être en tournée dans 5 villes de France. Besançon, Angers, Le Mans, et j'ai oublié les deux dernières, ne m'en voulez pas. Vous pouvez aller voir toutes les infos sur le site de Urban Comics. Voilà, ils vont être en tournée dans 5 librairies. Comment ? Nancy et Toulouse. Nancy et Toulouse, merci Léo. Donc voilà pour la tournée Urban. Et voilà. Merci Urban. Paris n'est pas la seule ville de France. Voilà. Quand même, ça fait, c'est tellement rare. Voilà. C'est vraiment quelque chose à souligner parce que tout se passe à Paris, comme si ce n'était que c'était la seule ville qui existe en France. Voilà, donc merci Urban de penser à la province, tout comme Marvel l'avait fait au moment de mettre la projection d'Ant-Man à Fourmi. Certes, c'était aussi pour la blague, mais ça fait aussi, voilà, il n'y a pas que Paris. Et il n'y a pas que Paris non plus pour Bliss Comics, puisque Trevor Stein, le dessinateur de Divinity, sera présent sur Paris Comic Con, mais va également faire une tournée pour Bliss Comics dans plusieurs villes également. Et puis Trevor Stein, il sera encore là au Toulouse Game Show fin novembre, Toulouse Game Show. Et il sera rejoint là-bas par Pera Perez, même pour la prononciation exacte, qui se rejoindra donc au Toulouse Game Show pour la sortie du gros bouquin Arthur and Armstrong. Et ils vont ensemble, enfin Pere Perez aussi va lui derrière enchaîner par une tournée de quelques villes de France, donc voilà, ils passeront par Paris, mais ils passeront aussi par la province, et c'est bien cool, donc merci à ces deux éditeurs pour cette initiative. Et puis dernière chose concernant les événements, une soirée Weeks and the Divine au Point Éphémère à Paris le 20 octobre, organisée par Glénat Comics, avec la présence de Karen Gillan, Jimmy McKelvey et Matthew Morrison, les trois personnes derrière cette bombe qui débarque en librairie au mois d'octobre chez Glénat. Donc une soirée avec une séance de dédicace et puis un DJ set, puisqu'il faut savoir que Karen Gillan et Jamie McKelvey sont des fans de musique et ont l'habitude de proposer des DJ sets et des soirées où ils sont eux-mêmes aux platines dans les conventions, notamment à Londres. Et donc ils vont faire ça au Point Éphémère à Paris le 20 octobre. Vous pouvez vous inscrire vous avez les infos sur la page Facebook de Glénat Comics. Donc n'hésitez pas, c'est un événement assez intéressant et sympa et qui est un petit peu... Avec un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on a d'habitude. On n'a pas que la dédicace. Là, on a une petite soirée qui s'annonce, ma foi, bien sympathique. Les sorties de la semaine. Mardi, tous les numéros 5 des kiosques Panini. Mercredi, deux omnibus du côté de chez... Alors, Panini, en octobre, il vous vide votre porte-monnaie. Hein. rien que mercredi, vous avez deux omnibus, donc 66 € chacun. L'omnibus Wolverine par Jason Aaron et Ultimate Spider-Man Miles Morales, le volume 1 pour les deux. Vous avez le coffret Marvel Events à 100 et quelques euros avec tous les titres de la collection Marvel Events qui sortiront en 2017, mais qui sortent en avant-première dans ce coffret. Le thème de l'année 2017, c'est Spider-Man The New Avenger. Vous aurez deux Deluxe, Nova tome 1 et Avengers Invader. Et si vous reste un peu d'argent, vous pourrez aller voir chez Delcourt qui sort James Bond, le tome 1, et le tome 26 de The Walking Dead. Fouh. Voilà, ça c'est bon mercredi. Ah bah c'est la première semaine du mois, hein, c'est toujours très chargé. Et vendredi, les deux gros événements du côté de l'Indé, c'est Saga tome 6, maintes fois reporté. Ça y est, il arrive, il est là vendredi. Jetez-vous dessus, il est incroyable. Il y a une couverture variante exclusive pour la Fnac. Voilà, allez voir sur le site de Urban, laquelle vous préférez. Et puis, vous avez le Paper Girl tome 1 à 10 € qui va sortir, ainsi que The Escapist de Brian K. Vaughan. Voilà. Ouh ! Voilà, la partie VF est faite. Suite à ça, pas de questions, hein, on va pas aller jusque-là. Mais juste quand même dans la partie VF, on va faire un petit instant promo qu'on n'a pas fait encore... en début d'émission. Sachez que on vous l'avait un petit peu teasé plus ou moins dans les Macs précédents. On vous avait parlé d'une nouvelle émission qui pourrait peut-être arriver, etc. Elle est prête. On a tourné les deux premiers numéros, on a enregistré les deux premiers numéros ce week-end. Donc, vous allez avoir une nouvelle émission Comic Stories dans 2 semaines maximum. Vous aurez le premier numéro, une émission qui s'appellera Dans nos bulles et durant laquelle on vous fera des reviews de tous les comics qu'on a lus dans le mois et qui nous ont intéressés. Donc, vous allez avoir sur le mois d'octobre deux émissions, numéro 1 et numéro 2. C'est une semaine sur deux et vous allez avoir une quinzaine de titres qui vont être chroniqués par toute l'équipe, plus Anthony qui fera ses débuts dans le podcast. Donc ça démarre très bientôt et vous allez avoir des petits extraits de cette émission qui vous seront diffusés ici et là en forme de review. Et puis vous aurez la version longue deux fois par mois. Voilà. Donc guettez un petit peu nos infos sur Twitter et sur Facebook, mais voilà, cette nouvelle émission arrive, cette fois c'est officiel, et elle est prête. Allez, maintenant je vais vous laisser un petit peu réfléchir et je vais en profiter pour me taire. Je vais juste donner le chiffre de la semaine qui est 406 184 $. À vous de vous démerder avec ça. Oh non, j'aime pas les chiffres. Répète, Mathieu. 406 184 $. 406 184 $. C'est une sortie. 406 000. 406 184 $. Ok. Une question. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pour trouver. C'est pas une sortie comics. C'est pas une sortie ciné. C'est pas une sortie télé. C'est pas une sortie. C'est le budget d'un truc de Valiant. Non. C'est pas un budget non plus. Je vais écluser le maximum de trucs. C'est pas un budget tout court. Ni pour un bouquin, ni pour... Oui. Oui, en fait, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est lié à une vente, de oui. manière plus générale? Arnaud, si je Léo. Sais. Oh, attends, on va laisser la politesse à Léo quand même qui a commencé. Vas-y. C'est le prix de vente du costume de Batman dans, je crois, le film de Nolan. Non. Non, c'est pas le costume de Batman, oui. C'est sa moto. Oui, c'est le prix payé par un acheteur pour s'offrir le Batpod de Dark Knight Rises. Le prix de vente du costume était de 250 000 $, Léo, c'était le piège. Je vous ai pas mis le costume, je vous ai mis l'autre exprès. Ah oui, j'ai retenu que le... J'avais pas vu le costume, j'ai un coup de chance. Voilà, 250 000 $ pour le costume, et donc un acheteur a payé 406 184 $ pour s'offrir le Batpod de Dark Knight Rises. Voilà, c'est pour lui qu'il a un grand salon. Un grand garage, surtout. Parce qu'il prend de la place quand même, ce truc-là. Rappelez-vous, dans le film, il est quand même hyper long. Un garage, il faut deux garages. La roue avant, elle est au moins 3 mètres devant le reste. Bref, on va pas se plaindre. On va pas le plaindre s'il a les moyens de s'acheter ça. Il a sans doute les moyens de le caser quelque part. C'est clair. Ce qui nous amène tranquillement au ciné avec des petites actus en bref, Léo. Les actus ciné en bref, avec pour commencer le trailer final de Rogue One arrivera donc, alors si je comprends bien, à la fin du film Doctor Strange. Bah avant, ça sera dans les bandes annonces qui vont être liées au film en fait. Ah ouais. Bon bah en fait, voilà, Doctor Strange va être le moyen pour Disney de faire la pub pour Rogue One qui sort 2 mois plus tard. Donc ma foi, bah, ce sera le trailer final et tant mieux parce que bon, histoire qu'on ait un petit peu de surprise, il y a toujours trop de bande annonce concernant Star Wars. Ensuite, le patron de... Non, je te donne son nom. Hein. Je l'ai mis exprès pour vous emmerder. Oui, je sais, j'allais le dire. Ça allait arriver. Le patron de Valiant, appelé, alors je prends une grande respiration, Dinesh Shamdasani. C'est pas mal. Voilà. A laissé entendre que le film Harbinger, lié donc à l'univers Valiant, aura peut-être plusieurs réalisateurs. Voilà, parce que dans une interview, il a dit... Enfin, moi j'avais compris qu'il sous-entendait qu'il y avait plusieurs réalisateurs qui étaient en discussion pour le film. Non, c'est pas ça. Il a dans sa phrase exacte, il a dit on aura bientôt plus d'infos. Il a le droit de rien dire pour le moment, mais ça arrivera bientôt. Mais qu'est-ce qu'il aimerait que les noms des réalisateurs d'Harbinger fuitent pour pouvoir enfin en parler? Ouais, enfin. Il a bien dit Harbinger's directors. Voilà. Donc forcément, est-ce qu'on aura droit à un tandem, deux frères, deux sœurs, deux cousins, deux amis, deux personnes qui font des Legos, enfin voilà, quel tandem ça pourrait être, ou est-ce que c'est deux réalisateurs qu'on n'a encore jamais vu travailler ensemble? Voilà, ça fait une petite... Plusieurs films. Ça fait une petite... Ils annonçaient deux films avec deux... Non, ils parlaient vraiment, il parlait vraiment que du premier. Enfin, sa citation, j'ai plus l'article sous les yeux, mais vraiment la citation ne fait aucun doute. Il parlait du film Harbinger de 2017 et voilà, il a juste hâte que le nom des réalisateurs de ce film-là soit annoncé ou qu'il fuite ou quoi machin, juste pour pouvoir en parler et qu'il voit à quel point ils ont de l'ambition pour ce film-là. Voilà. Donc, on verra. Et ma question, quel acteur a déclaré la semaine dernière, je crois, qu'il aurait bien aimé incarner Spider-Man à l'écran? Léo. Oui. Oui, Léo. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Ah ouais. Daniel Radcliffe a dit que ouais, il aurait bien aimé incarner Spider-Man à l'écran, mais que les choses se sont pas faites et que c'est Tom Holland qui l'interprète et qu'il le trouve super et qu'il est très content de l'avoir vu et qu'il adore cet acteur dans son costume, etc. Mais que lui, il aurait bien aimé jouer à Spider-Man. Et vous auriez bien aimé le voir, vous? Non. Pourquoi Léo? pas, hein. Ah, ça aurait été marrant, quoi. Pourquoi pas? Ouais, moi, j'aurais dit un pourquoi pas pour un Spider-Man un peu plus adulte, par contre. Là, pour effectivement ce que Marvel Studios voulait en faire, il n'avait pas du tout collé. Mais Oui. on aurait eu un Spider-Man dans la lignée un petit peu qui aurait un peu poursuivi, peut-être pour prendre le relais de Tobey Maguire sur un personnage plus âgé, plus adulte, avec des thématiques un peu plus sombres ou quoi. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, j'ai du mal à le voir là-dedans parce que. Et puis, est-ce qu'en termes de carrière, c'est bien de se relancer dans une franchise après avoir. Ouais, c'est ça, après Harry Potter, ça aurait peut-être un peu été dur. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, deux citations. Deux citations qui m'ont bien fait rire. La première, I used Hillary to prepare. J'ai utilisé Hillary pour me préparer. Léo, Oui. Kate McKinnon, Non. parce qu'elle a fait une parodie de Hillary Clinton au SNL, c'est Oui, mais dingue. ça n'a pas d'apport avec les comics. Oui, c'est vrai. Bah non. Ligue d'adaptation de comics. I used Hillary to prepare. Hillary Clinton, on est d'accord. On est d'accord, c'est Hillary Clinton dont il s'agit. Donc quelqu'un a Hillary utilisé, a Clinton. pris modèle, a pris exemple sur Hillary. Arnaud. Ah, alors, j'ai eu Léo juste avant, que j'ai entendu dans le Léo, fond de mon oreille vas-y. droite. Pardon. Léo? Ce serait pas plutôt celle qui va jouer la présidente des États-Unis dans Supergirl, à savoir donc Linda Carter? Oui, c'est Linda Carter, exactement, Ouais. qui a dit ça en parlant de la préparation de son rôle, elle qui se prépare à interpréter la présidente des États-Unis. Elle a donc dit, j'ai beaucoup observé Hillary pour me préparer et je me suis basé un petit peu sur, en termes de discours, etc. Voilà. C'est son modèle pour ce rôle-là. Voilà. Y a pire. Y a pire. Y a pire, ouais, c'est ça. Voilà. Deuxième citation. I'm not really that open to a rethinking on who he was. Je ne suis pas vraiment, je suis pas hyper open à ce qu'on modifie ce qu'il était vraiment, à ce qu'on réimagine ce qu'il était vraiment, qui il était vraiment. Et Je ne suis pas très ouvert à ce qu'on réécrive le personnage, en fait. Voilà, je vais vous la traduire de manière un peu plus. ah, bah oui, Pardon. comment il s'appelle? Je sais pas. Enfin, moi j'ai son Quentin nom. Tarantino sur Oui! Luke Cage parce qu'il voulait que ça se passe dans les années 70. Exactement. C'est les comics qu'il a lus et il est déçu que ça se passe à notre époque. Hein. Exactement, c'est Quentin Tarantino qui a dit ça. Il est déçu que ça se passe à notre époque. Il aurait voulu voir effectivement un Luke Cage dans les Oh. années 70. Et il n'est pas tout à fait. Voilà, du coup, il n'est pas hyper pressé de voir la série parce qu'il a vraiment peur de ne pas aimer, parce qu'il est tellement fan de ce personnage-là et de ce qu'il représentait, que bah, voilà quoi. Et il a Mais déclaré quand même au passage qu'après avoir fait Reservoir Dogs, il avait il envisagé de voulait faire un réaliser film. un film Luke Cage. Tu m'étonnes, c'est son thème de prédilection, hein, la Black Exploitation. Et finalement, ça s'est terminé en Pulp Fiction. Ouais, avec Ving Rhames. Bah, Bon, ça on n'a m'étonne. pas perdu au change, hein, quand même. Voilà. Pulp Fiction, c'est quand même un chef-d'œuvre. Mais un film comme ça, un film. Alors, du coup, un film Luke Cage ou un autre film de super-héros par Quentin Tarantino? Un film violent, forcément, déjà. Mais ça n'a pas été un film de super-héros. Ça Il n'aurait pourrait? pas fait un film de super. Il n'aurait Bah, pas fait un il film de était prêt à super. faire Luke Cage. Oui, mais ça aurait été sans l'univers Marvel autour. Hein. Bon, pas forcément, parce qu'il était vraiment. Justement, il regrette la non-fidélité de la série en termes d'époque, etc. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il voulait faire quelque chose, vraiment, un vrai film sur le personnage dans son univers tel qu'il est, et voilà. Ça aurait été intéressant. Pourquoi pas? Parce Quel que. personnage, là, ou quelle franchise, du coup, on va extrapoler un petit peu là, sur quoi ça pourrait être intéressant de le voir en termes d'adaptation de comics. Tarantino? Ouais, un Bah, Punisher? dans l'univers Marvel, ça marche pas. Hein. Ouais, c'est Un petit clair. Punisher par Tarantino, non? Ça vous. Ouais, voilà. Ouais. Oui, c'est le seul parce qu'il est ultra violent, mais sinon, après, comment dire, la peur de Disney et de Marvel de faire des trucs plus PG-13, Ah oui, non, on mais là, n'arrivera jamais, mais. on parle pas de choses qui auraient lieu, on parle de choses que nous, on aimerait, qui nous intéresseraient, on s'en fout de la réalité. Juste, voilà, c'est juste, voilà. Si vous aviez le Quentin Tarantino et vous aviez un film à lui Non. confier, qu'est-ce que vous lui confiez? Voilà. Sur Ouais, quoi vous. rien. Ouais, toi, rien. Toi, tu l'aimes pas. Je suis Enfin, pas bon. fan de Tarantino, oui. Je Mais pour le suppose, oui. Punisher, non, il est vraiment mieux à la télé, je pense. On a déjà eu trois films, alors Ouais, qui sont pas tous très arrêtez bons. de le massacrer au cinéma. Bon, il n'y en a même aucun qui vraiment surpasse l'autre. Donc non, je sais pas, non. Non, mais Luke Cage, j'avoue, ça aurait pu être bien. Luke Cage, Punisher, ouais, c'est les deux qui collent le. Ok, pourquoi pas. Et moi, là, comme ça, moi, voilà, je pensais au Punisher. Et je l'aurais bien. Pour le coup, j'étais prêt à le voir. À le voir réinterpréter un petit peu Batman ou un personnage un peu comme ça. J'ai hésité, j'y ai pensé, mais est-ce que la vision... Batman ou un vieux personnage, voilà, un peu des... Batman qui utiliserait un flingue... Ou un vieux personnage des années 30 qui pourrait y être lié, genre le Spirit ou des choses comme ça, voilà. Ouais. Sur un truc plus classique, ouais. Pourquoi pas. Un truc beaucoup plus classique, quoi. Un Batman au... De toute façon, ça n'arrivera pas, on est d'accord. Voilà, c'était juste la spéculation et l'expression de nos désirs les plus profonds, n'est-ce pas? Un V pour Vendetta de Tarantino. Tu vois, on arrive toujours à trouver des trucs. Toujours. Allez, on va terminer avec... Il aurait été bon sur Watchmen aussi. On va terminer avec les comics VO. Et juste en bref, sachez que Love is Love. N'est-ce pas? Puisque IDW et DC Comics se préparent à sortir en décembre un gros one-shot de plus de 140 pages avec plus de 100 équipes créatives différentes qui vont faire donc plus d'une centaine d'histoires d'une ou deux pages autour du thème de l'homosexualité, du LGBT plutôt que l'homosexualité. Voilà, pour la cause LGBT, en hommage aux victimes des attaques qui ont lieu à Orlando dans le club The Pulse cet été. Donc du coup, IDW et DC s'associent pour faire un titre comme ça, avec bah, évidemment des grands noms du comics, hein, couverture d'Elsa Chartier. Le symbole est important parce que Infinite Loop, évidemment, il y a des gens comme Olivier Coipel, comme Andréco, etc. Enfin, là, il y a des tonnes et des tonnes de noms, hein, plus de 100 équipes. Donc, vous imaginez, il y a même Bendis qui participe à ça. Donc voilà, c'est une initiative intéressante, importante, je pense. $9.99, ça sortira au mois de décembre. Il était important d'en parler et j'espère seulement qu'on ne sera pas que dans l'hommage aux victimes et dans le pathos, c'est qu'on aura aussi la partie un peu joyeuse, festive, amour, voilà, plus que... Voilà. On aura vraiment le LGBT dans toute sa diversité et pas seulement dans l'hommage aux victimes. Mais je ne me fais pas trop de soucis. Allez, surtout avec des gens comme Elsa Chartier. C'est ça. Une dernière question quand même du côté des comics VO, parce que celle-ci a été prévue dans le Mac de la semaine dernière qu'on n'a pas fait, mais je ne pouvais pas l'enlever parce que vraiment... Valiant a annoncé... On sait que les éditeurs aiment bien faire des variantes cover avec des thèmes chaque mois, et Valiant a annoncé le thème des variantes cover de décembre. VO. Ah, bah vas-y. Licorne. Non. Merde. C'est pas... Voilà. C'est un peu... C'est voilà. Arnaud. Quel est le thème des variantes cover de décembre chez Valiant, Arnaud? Des chats. Oui, des chats. Oh, putain. Des chats en cosplay de personnages Valiant qui ont été pris en photo. Donc on va voir un chat en mode... On va voir un chat Bloodshot, un chat Face, un chat Harbinger, un chat... Enfin voilà. J'aime beaucoup, j'ai vu que le Bloodshot, mais j'aimais bien. Et le Face avec sa perruque blonde est quand même assez incroyable. Ah, j'ai pas vu. Donc voilà, vous avez une dizaine de titres Valiant qui vont avoir droit à leur variant cover Cosplay Cats. Oh oui, Face. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, voilà, vous pouvez vous offrir. Les variantes covers sont au même prix que les titres en ogre classiques, hein, c'est des couvertures au même prix. Le Ninja aussi fait un peu peur. Si vous aimez les petits chatons, et ben vous aurez droit à votre couverture Cosplay Cats chez Valiant. Ça pourrait être, du coup, pourquoi pas le cadeau de Noël pour mon chat. Un cadeau formidable. Surtout la Face. Je crois que ça doit être la meilleure. Ouais, j'ai peut-être lui offrir un mâle quand même. Le Bloodshot, je pense que ça lui fera plaisir. Allez, voilà, on a terminé avec ce mag numéro 54. Les prochains rendez-vous, c'est quoi? C'est sur nos écrans numéro 64, non, 66, 64, 67, 68. 68. Qui aura lieu jeudi, c'est le bilan du mois de septembre, du côté des écrans. Mardi prochain, vous aurez le prochain mag. Je vous rappelle que la totalité des Infinite Wars est en ligne maintenant. La totalité jusqu'à la finale. La finale a été mise en ligne le week-end dernier. Donc, allez écouter le grand triomphe de celui qui a remporté ces Infinite Wars. Il était temps. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser évidemment des commentaires sur Twitter, sur Facebook, par mail. Et on se retrouve très vite pour toutes ces émissions et bientôt pour la nouvelle émission Dans nos bulles avec nos reviews de comics concernant nos lectures du mois. D'ici là, à tout bientôt. Salut. Salut.